On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre, s'apprêtaient pour le bal. Emma vit sa toilette, avait la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux, d'après les recommandations du coiffeur, et elle entra dans sa robe, étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. « Les soupirs vont me gêner pour danser, » dit-il. « Danser ?» reprit Emma. « Ah oui. » « Mais tu as perdu la tête. On se moquerait de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, » ajouta-t-elle. Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière dans la glace, entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi, » dit-elle, « tu me chiffonnes. » On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir.